Les neutrinos ne sont finalement pas plus rapides que la lumière. Les neutrinos mesurés cet automne par l'expérience OPERA n'allaient pas plus vite que la lumière. Selon les calculs effectués par une autre équipe pour tenter d'élucider ces résultats qui remettent en cause la physique d'Einstein, annoncé vendredi le Centre européen de recherche nucléaire. Sur une course de fond de 730 km entre l'installation du centre à Genève et le laboratoire souterrain de Ranzasu, Italie, les neutrinos des particules élémentaires franchissaient la ligne d'arrivée avec près de 20 mètres d'avance sur la lumière, selon les mesures effectuées par OPERA. Mais cette neutrino reçue à grand assaut en provenance du sein lors de ces tests complémentaires ont été aussi analysés par Icarus. Une autre expérience utilisant une technique de pointe. Or, selon les mesures de Icarus, la vitesse des neutrinos émis à la fin d'octobre ne dépasse pas celle de la lumière, assure Carlo Rubbia, porte-parole de l'expérience et prix Nobel de physique.